Daniel, je sais pourquoi, chapitre 8, premier contact. La tension augmentait dans la pièce. Les trois incarnés s'engageaient dans un débat défendant leurs idées. Marie-Noëlle se refusait à l'expérience. Quant à son amie, elle essayait de convaincre son auditoire avec habileté. La jeune fille appuyait de oui et d'approbation son invité. Moi, je suivais la discussion avec maladresse, ne sachant où me tenir et sans savoir quoi faire. Cette femme avait ressenti les esprits et, en l'occurrence, moi. J'étais fébrile et préoccupée comme un étudiant avant un examen. Allais-je communiquer avec ces gens et pour dire quoi? De plus, comment allais-je m'y prendre? Comment agir sur cette femme ou sur son alentour matériel? Cette situation me rappelait les sombres histoires que mes parents nous racontaient, affirmant qu'eux aussi avaient vu des fantômes. Ah, la bonne affaire! J'étais aujourd'hui bel et bien un fantôme, et on allait s'apprêter à me visiter. Mon guide, amusé de mes remarques, me dit « Daniel, ne sois pas effrayé ni inquiet. Tu n'es pas ici au banc des accusés ni dans un jugement. En fait, tu vas découvrir les profondeurs des sens humains, mais aussi la dureté du tamis de la raison, plus que d'une constitution matérielle. » Au bout d'un certain temps, les incarnés s'étant mis d'accord, la séance allait commencer. Les trois femmes s'installèrent autour de la table de la cuisine, ayant au préalable allumé une petite bougie trouvée dans un vieux carton à produits. Je demandai alors à mon guide « La bougie est-elle déterminante pour l'appel des plans supérieurs ?» Mon guide répondit « La bougie n'éclairera que l'ambiance matérielle et dimensionnelle de ces femmes et non leur cœur. Ce qui sera déterminant dans l'apport spirituel est la ferveur de leurs esprits. Les artifices sont inutiles si ce n'est dans les affres de cette planète. » L'ami de Marie-Noëlle commença donc son appel. Dans le silence de ce recueillement, la jeune fille demanda aux autres « Ne doit-on pas se tenir les mains autour de cette table ou bien dresser un verre au milieu avec des lettres de l'alphabet ?» Elle semblait connaître certaines choses et pourtant se vit rembarrée par la meneuse de la séance qui avait d'étranges manières. « Non, je vais communiquer par la parole. Je serai leur bouche et leurs oreilles. » Je fus intriguée par cette affirmation. « Que veut-elle dire ? » demandai-je à mon guide. Il répondit « La médiumnité humaine est large dans sa forme. Il existe une multitude de variantes relatives aux sens et aux tendances des hommes sensibles. L'important est au-delà de ces formes et tient au dégagement de l'esprit et de son cloître idéologique. Il peut exister autant de sortes de médiums qu'il y a d'hommes sur Terre. Nous allons ici voir et étudier ce que beaucoup appellent l'incorporation ou l'extase. Tu vas t'apercevoir de la difficulté lorsqu'il s'agit de mouvoir un homme. Sa flexibilité est mise à rude épreuve et son caractère, ses tendances, doivent savoir se taire. Je ne comprenais pas très bien mon guide et restais perplexe. Soudain, la femme invoqua mon esprit et une autre éventuelle présence. C'est alors que l'inimaginable arriva. Je vis l'atmosphère spirituelle de cette pièce s'ouvrir comme les portes d'une immense grange, laissant passer une éclatante et aveuglante lumière blanche. Après m'y être habituée, je finis par deviner des silhouettes. Une dizaine d'esprits étaient là, descendus d'une région inconnue, emportant avec eux des objets ou des appareils que je distinguais mal. Ceux-ci étant reliés à des sortes de gros tubes mous, ressemblant à d'énormes lombrics. Ces drôles de choses descendaient vers les incarnés qui, stoïques, ne ressentaient rien. Autour de ce déploiement se ruait une foule d'esprits indisciplinés et nous finissions par nous y perdre. Ma mère, les trois esprits de la jeune fille, les incarnés, je ne voyais plus rien, pris, bousculé dans cette vague spirituelle. Mon guide dit « Vois-tu, Daniel, la spiritualité est toujours présente et active autour d'un centre d'appel, mais il faut encore savoir la comprendre et la canaliser. » « Viens, nous allons nous approcher. »« Comment ? » hurlai-je au milieu de ce brouhaha. « Nous sommes attendus, » répondit-il. C'est ainsi que la foule s'écarta, matérialisant un passage jusqu'au foyer où se trouvaient les trois incarnés. Nous nous y engageâmes en silence, sous les regards surpris de tous ces esprits. J'étais alors très fière, me déplaçant la tête haute, au milieu de ces entités que je sentais remplies de jalousie. J'étais pour ce moment un privilégié. Mon guide, lui, restait muet et se voyait salué par les esprits responsables des appareils. Je restais néanmoins surpris de ce monde concentré autour de trois femmes. Avait-elle une quelconque valeur ? Mon guide me dit « L'appel aux esprits n'est jamais laissé pour compte, mais est pris au sérieux. Toutes les chances doivent être réunies pour matérialiser un passage temporel et dimensionnel dans les vibrations de cette sphère. » mais nous ne pouvons assurer le maintien de cette entreprise ni l'apport d'une aide véritable. L'homme est ici le seul maître de son existence. Son cœur marquera la valeur de cette ouverture. Regarde maintenant. » Les trois femmes étaient donc assises là, autour de cette petite table. Je percevais la séance au travers d'une lumière blanche éclatante, comme si la scène était éclairée de mille feux. Je ne pouvais voir la source de ces lumières, mais en ressentais la chaleur. Cette luminosité m'empêchait de voir les esprits qui se trouvaient derrière. J'étais interrogatif, cherchant même à me fondre dans la foule que je savais être derrière moi. Tout en essayant de reculer, je sentis que l'on me poussait vers l'avant, une sorte d'incitation. Mais que devais-je faire ? Ces femmes étaient silencieuses et attentives. Bien que les détails et les couleurs de la séance se perdaient dans l'éclat de cette blancheur, je pouvais voir néanmoins les faits et gestes des incarnés. Marie-Noël se grattait le nez, tandis que sa fille tendait l'oreille comme pour guetter la venue des esprits. Quant à nous, nous n'étions pas en haut de la pièce, mais bien au sol dans cette cuisine, un endroit dont les murs avaient été dissous afin de recevoir cette foule spirituelle. « Que dois-je faire ? » répétais-je. Mais mon guide ne me répondit pas. Le silence régnait, une situation qui ne faisait que contraster ma peur. La meneuse de séance respirait lentement, son énergie se dégageait d'elle. Cela me rappelait les projections astrales de certains humains que j'avais pu voir antérieurement. Les effluves fluidiques de cette femme s'étiraient et s'affinaient comme les branches d'une étoile de mer ou les filaments d'une méduse. Tout à coup, entrant dans la lumière, j'aperçus les trois hommes vêtus à l'ancienne mode. Ils étaient, semble-t-il, attachés ou dans l'incapacité de se mouvoir à leur gré. Je les regardais avec compassion, car j'étais ici dans la même situation, emmenée dans l'attente d'une chose que nous ne comprenions pas. Je percevais aussi des larmes couler de leurs yeux. Ils avaient des regards ternis par la fatigue et les peines. Leurs épaules étaient affaissées par le remords. Ah, quelle histoire ! Pourquoi donc jouissais-je de cette liberté ? Moi qui avais été l'investigateur de leurs épreuves, alors qu'eux étaient ainsi soumis, prisonniers. Je me prenais à parler tout haut, à appeler la tolérance et l'ouverture de toutes les prisons. Cette effervescence fit réagir la médium. En fait, elle se mit à parler, s'exclamant « Oui, oui, j'entends une supplique. Les prisons doivent s'ouvrir. La captivité doit être levée. L'humanité va recevoir son sauveur. » J'étais très surpris de cette interprétation, faite à partir de mes pensées, bien que le sens profond ait été juste. Mais il y avait là une surdimension de mon bon vouloir. Aucune explication ne venait éclaircir mon doute et les surprises allaient bon train. Les trois esprits me percevaient, leurs regards glaçaient mon être entier. Ils se tenaient là, tournés vers moi. Je voulus disparaître et reculer encore, mais les mêmes bras me repoussèrent en avant. Puis ma mère apparut, debout, dans le cercle illuminé de la séance. Immédiatement, elle vit les trois esprits et les reconnut. Elle ne manifesta aucune réaction. J'essayais là de ressentir les sentiments de cette confrontation, mais rien ne s'en dégageait. Soudain, elle tourna la tête vers moi. Oh malheur, elle me voyait. Moi qui souvent voulus communiquer avec elle, j'étais affolée à l'idée d'affronter sa conscience. Je voyais en elle se dessiner une silhouette et je reconnus la fillette, ma fille. Une frayeur me saisit. « Non, non, suppliai-je, j'ai peur !» Rien, aucun conseil ne venait me réconforter, m'apaiser ou me donner une explication. Où était mon guide ?« Où êtes-vous » demandai-je. « Montrez-vous, je sais que vous êtes là !» Aucune chaleur apaisante. J'étais seule au milieu de cette foule. Ah, je voyais que l'on bougeait autour de moi, derrière la lumière. Les tubes descendant du haut de cet endroit bougeaient, comme bousculés par les incessants passages de techniciens mystérieux. Nous restions là, à nous dévisager en sondant nos âmes. Nous ne savions quoi faire, ni quoi dire. Nous étions dégoûtés de nous-mêmes, ridicules par les actes commis. Les incarnés, quant à eux, se plongeaient dans la communication. Le médium était relié à l'atmosphère par une multitude de fibres, semble-t-il élastiques. Elle dit « Je veux parler à mon guide, je le veux. » Je compris que mes pensées arrivaient jusqu'à l'esprit de cette femme qui s'était répandue spirituellement dans toute la pièce. C'était une étrange extériorisation, s'étendant puis devenant une véritable boule d'énergie. Soudain, tout disparut, les fibres avaient disparu, le médium se relâchait et posait sa tête sur la table. Marie-Noël, surprise, se leva et se pencha sur mon épaule. La jeune fille montra des signes d'inquiétude, moi aussi d'ailleurs qui ne savais quoi faire. J'entendis alors une voix me dire « Attention Daniel, ça va bientôt être à toi. » « Comment cela, à moi ? Attendez, que voulez-vous dire ? À moi ? Mais quoi dire et comment ? Je regardais le corps inerte du médium avec désarroi. Marie-Noël et sa fille étaient dans une fâcheuse situation. « Réveille-toi, bon sang !» disait Marie-Noël. « Allez, allez !» disait sa fille en secouant le médium. « Va allumer la lumière !» ordonna Marie-Noël. Bousculant sa chaise, la fille de Marie-Noël s'exécuta et se jeta sur l'interrupteur. Mais rien ne se produisit, la lumière électrique ne fonctionnait plus. « Oh mon Dieu !» soupirai-je. Je me sentis ébranlée, un malaise m'envahit. J'étais comme saisie et mes mouvements diminués. Une attraction m'attirait irrésistiblement vers la table. Je perdis la logique des événements et de ce qui m'entourait, juste le temps de me retrouver soudain assis à la place du médium, ressentant physiquement les claques que Marie-Noël et sa fille m'administraient. Ouvrant les yeux du corps que j'empruntais alors, je vis le visage de Marie-Noël et de sa fille, rempli d'effroi et d'inquiétude. J'étais tout à la fois surpris et amusé par cette situation imprévisible. Utilisant la voix du médium, je dis « Marie-Noël !» en accusant un léger sourire. Aussitôt, celle-ci me répondit « Oui, nous sommes là, tout va bien !» Interrogative, la jeune fille rétorqua « Elle a une drôle de voix. Et puis, comment fait-elle pour parler sans desserrer les dents ?»« Que dis-tu là ?» demanda Marie-Noël. « Ne dis pas n'importe quoi !»« Mais non !» continua sa fille. « Fais-la parler et regarde, je ne rêve pas !» Marie-Noël continua d'appeler son amie tout en roulant les yeux de gauche à droite. « En effet, pensa Marie-Noël, elle parle comme les ventriloques de la télévision. Je ne lui connaissais pas ce talent. » Quant à moi, j'étais étonnée de tous ces commentaires, ne pouvant véritablement évaluer la situation et m'exprimer à ma guise. Je compris néanmoins très vite que mon esprit était dans ce corps. Aussi essayai-je d'en profiter pour avertir Marie-Noël de certaines choses. Malheureusement, cela devenait difficile et mes idées se succédaient avec une telle vitesse qu'elles devenaient imperceptibles à travers mes mots et mes phrases que, laborieusement, j'essayais de prononcer. En devenant restreint dans mes informations, je dis « Marie-Noël, ton mari est mort assassiné. Ta fille n'est pas innocente et tu dois maintenant vivre ton épreuve, celle du rachat de ton passé. » J'étais confus. Dans l'impossibilité d'être plus claire, la communication était fastidieuse et imparfaite. Mais comment leur dire ? Effrayée par mes mots, Marie-Noël recula en me lâchant l'épaule. Elle dit « Mon Dieu, que dis-tu ? C'est affreux ! Es-tu devenue folle ?» La jeune fille s'était rassise sur sa chaise, déroutée. Mécontent, je me sentais frustrée. Je n'arrivais pas à soutenir la tête du médium qui se balançait sans cesse. Je ne contrôlais que les yeux, cherchant désespérément à croiser leurs regards. Mais la flexibilité du médium m'empêchait toute précision et je ne percevais que le haut de leur tête, la mienne étant souvent en arrière. Ce handicap physique et l'absence de vision spirituelle finit par m'effrayer aussi. J'appelais alors mon guide. « Où es-tu, ô mon guide ? Ça se passe mal. Je veux revenir parmi vous. Venez me chercher. » « Je suis ici pour une chose que je ne comprends pas. Pourquoi donc me faire subir cela ?» Parlant tout haut, je perçus soudain le visage boursouflé de Marie-Noël qui se penchait sur le mien en le maintenant dans ses larges mains. Elle avait le regard sombre et le blanc des yeux jaunis par l'abus de la vie. « Elle délire ! Qui es-tu » demanda-t-elle. « Daniel, répondis-je, je suis l'investigateur des souffrances de ta fille et à la base de ton épreuve. Je suis ici pour étudier le comportement de mes frères, sujet eux aussi aux souffrances de la causalité des vies antérieures, et je te demande pardon. « Pourquoi dis-tu que mon mari est mort ?»« Je l'ai vu, répondis-je, allongé dans une mare de sang. Je sais également qu'il abusait de ta fille. » Lâchant la tête du médium, Marie-Noël se rassit brusquement. Je ne voyais plus son visage, mais le plafond, avec la lumière qui me brûlait les yeux. Le corps du médium était immobile, une sorte de paralysie. Pourtant, au plus profond de moi, je savais que je pouvais m'extirper de cette prison. Je me mis alors à penser très fort pour quitter cet endroit, me souvenant des conseils de mon guide. Subitement, je fus catapulté hors du corps, hors de la pièce. J'étais sur le toit de la maison, au milieu de la nuit étoilée, aux côtés des épaisses fumées qui sortaient des cheminées. J'étais abruti, déséquilibré, mais je crois heureux d'être débarrassé de cette séance. Mon guide m'apparut alors souriant et attentif. « Daniel, qu'as-tu fait ?»« Comment cela ? » répondis-je. « J'étais là, au milieu de tous ces êtres, laissé seul face à un discours que je ne savais tenir. Pourquoi m'avez-vous ainsi forcé ?»« Daniel, » répondit-il, « dans l'univers, personne ne force personne. Cette expérience est celle de ton âme. » Ces événements ont été formés par ton histoire, celle-ci attirant irrésistiblement ses acteurs. Sache aussi que tu viens de vivre l'unité qui nous fait endosser les vertus et les vices de chaque homme. Tu as connu la difficulté de communication inhérente à la constitution cérébrale de l'espèce humaine et qui est à la base de bien des mystifications et des plus grossières erreurs. Les paroles de mon guide continuaient à m'interroger, mais je demeurais encore échaudée de cette expérience. Mon guide m'incita néanmoins à revenir. Nous nous retrouvâmes une fois de plus dans le centre du cercle où le médium était affalé sur la table. Marie-Noël, ainsi que sa fille, reposaient sur le canapé au fond de la pièce. Cette fois, mon guide resta à mes côtés. J'étais rassurée. Son large sourire me réconfortait comme à l'habitude. Sa seule présence suffisait à me donner du courage, mais ne m'indiquait pas la marche à suivre. J'étais là, debout, à ne pas savoir quoi faire, devant une scène désolée où les acteurs semblaient rompus. Je demeurai ainsi quelques instants, juste le temps de me faire interpeller par un autre esprit sorti de la foule qui m'entourait. Ce passage de mon expérience était important, me montrant les larges moyens providentiels qui s'ouvrent à nous pour notre évolution. Cet esprit, se positionnant devant moi, me regarda tout en disant avec rancune « Tu es en train de tout gâcher. Qu'attends-tu ainsi? Veux-tu que l'on t'y pousse? Tu as la permission de te manifester. Vas-y donc! Moi, à ta place, je ne tarderai pas. Je serai déjà là à tenir les mains de ma fille. » « De votre fille ? » rétorquai-je. « Oui, répondit-il, Marie-Noël est ma fille et je ne peux que rarement l'approcher. Aujourd'hui, je boue de voir ce gâchis. »« Quel gâchis ? » demandai-je. « Je trouve que vous y allez un peu fort. Je ne vous empêche pas d'y aller si cela vous amuse. Quant à moi, je n'ai guère envie d'être obligée et de plus, je n'ai rien à dire. » « N'avez-vous donc pas vu ma première expérience? Elle était désastreuse, inutile, je n'y ai fait que du mal. » « Mais mon pauvre monsieur, répondit l'homme, vous êtes ridicule, vous vous sentez obligé de faire des prophéties, oubliant les bonnes manières. Vous venez ainsi dans l'espace désincarné avec des revendications de prédicateur, offusquant la sensibilité de ces gens. N'avez-vous donc aucun scrupule ?» « Oh, mais pardon, monsieur, répliquai-je, vous parlez de scrupules ? Moi, je vous trouve ici ingrat, me reprochant des choses que seule l'habitude aurait pu maîtriser. Quant à moi, je n'ai jamais communiqué par voie médiumnique, ni encore moins recherché les claques fébriles des bonnes femmes affolées. « De quoi ? Dit-il. Qui traitez-vous de bonne femme ? C'est de ma fille que l'on parle, et non d'une écervelée. Je ne souffrirai pas d'autres insultes. Laissez-moi donc votre place, cochon, car vous vous complaisez dans la suffisance alors que moi, l'on me prive des choses les plus pures, la tendresse d'un père pour sa fille. » Et aussitôt, l'homme alla se placer sur le médium qui subitement se tordit. Un groupe d'esprits se détacha alors du rang pour pénétrer dans l'atmosphère de la séance et stopper ce « viol spirituel ». L'esprit fut ramené dans l'assistance avec perte et fracas. Me tournant vers mon guide, je demandai « Pourquoi refuser à cet esprit le droit de se manifester à sa fille ? Je te le dis, Daniel, personne n'interdit rien à personne. Cet esprit vit son opiniâtreté et son exclusivité. Il n'est pas d'un bon conseil pour sa fille, et son aveuglement le pousse au déséquilibre. Aussi, nous espérons son éclaircissement. C'est la raison de sa présence. L'impossibilité de communication est relative. Elle n'est possible que dans l'optique d'une écoute, ce qu'il ne sait pas faire. Désincarné ou non, l'homme se laisse aller à ses mauvais désirs. Oui, et moi, que dois-je faire ? Tu dois comprendre le sens de cette visite et mesurer les éléments qui, à première vue, te séparent de la vie terrestre au-delà du schéma mort-naissance. Car je te le dis, Daniel, ta présence ici et l'équilibre que tu y découvres n'ont rien à voir avec les facteurs biologiques. Oui, vous devez avoir raison. Tout ceci est l'essence de mon esprit, de ma quête. À bien y réfléchir, est-ce seulement réel ? Ne suis-je pas resté dans ma maison de pierre, errant comme un fantôme et vivant d'affreuses imaginations ? Pourquoi donc cette communication, somme toute très réduite en ses possibilités ? Pourquoi tout ce monde silencieux, si docile, alors qu'il y aurait matière à s'insurger ? Je trouve tout cela très loin d'un pseudo-équilibre. Que puis-je faire pour ces trois femmes ? À quoi bon leur dire toutes ces choses, toutes celles que j'ai pu voir ? Elles ne pourraient les comprendre. Dois-je faire de l'information, commencer par le début ? Mais où est-il ce commencement ? Est-il ma mort ou ma naissance ? Étions-nous tous ensemble à l'origine des choses ? Existe-t-il une fin à cette pénitence qui nous emmène au gibet du recommencement terrestre ? Je vous avoue avoir grand-peine à vous suivre dans ce cours, si, bien entendu, il en existe un. Mon guide, calme et dispo, me répondit « Ton humeur n'arrangera pas ton désarroi. Il est question ici d'informer les incarnés et non d'apprendre quelque chose. Ces gens sont les premiers contacts terrestres que tu as eus depuis ta dernière incarnation et surtout ta première expérience d'application. C'est un exercice de synthèse qui t'est demandé, clair et court, parlant au cœur et aux raisons qui t'écoutent. La preuve d'une bonne compréhension passe par la facilité à rendre les choses que tu as vues et assimilées. Toutes tes nouvelles expériences doivent servir ton message et aider ton prochain. Le plus simple, comme le plus intelligent de nos frères, doit te comprendre. Là réside toute l'utilité de ces communications. Sache que ces dernières ne peuvent pas être dépeintes dans leur ensemble par l'exercice médiumnique de ce moment. La communication ne possède pas de forme appropriée, mais est irrésistible, au-delà de toute frontière. Le fait que tu puisses aujourd'hui percer le cloître temporel de ces femmes te montre la force de notre fraternité et l'inexistence des impossibilités physiques. La matière est ici un faux problème. L'humanité, en se réveillant de son sommeil de torpeur, s'en apercevra. Pour l'heure, révise donc tes conclusions, car la communication marquera le sens de toutes les études que tu vis. Dans un avenir proche, tu te communiqueras à des hommes et des femmes mûrs à qui tu dévoileras les coulisses de ton évolution qui, dans l'absolu, sera représentative des leurs. Essaye donc encore de visiter ces femmes. Retiens ton empressement et ta maladresse. Tout en se reculant, mon guide me laissa seul face à mes responsabilités. Je m'approchai donc du médium et lui susurrai à l'oreille. « Je suis revenu et veux vous parler. » Là, le médium se redressant dit « Marie-Noël, il est revenu. Je l'entends parler dans mon oreille. Il n'est pas entré en moi et je reste consciente. C'est formidable !» Marie-Noël et sa fille, abusées, levant la tête d'une manière fatiguée, dirent « Non, rien d'autre. Nous ne voulons plus rien entendre, car c'est le diable qui est avec nous. » À ces mots, je vis s'approcher de moi ma mère. Elle me souriait et me dit « Bonjour, Daniel. Que la paix soit avec toi. Je suis heureuse de te retrouver au chevet des nécessiteux. Je vois que tu as compris, comme moi, le sens de notre intervention. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions aider ces femmes. » Les trois autres entités, me devenant visibles, apparurent soudain. Elles se lamentaient et avançaient vers moi paisiblement. « Sauve-nous, gémissait-elle, libère-nous, guide-nous, appelle la grâce de Dieu. Nous désirons réellement quitter cet endroit. Nous sommes aujourd'hui sincères. » Quel spectacle, quelle leçon! Voici un rassemblement d'esprits, différents les uns des autres mais si proches par le cœur. Devant toutes ces demandes, mon cœur devenait émotion et pour la première fois invoquait Dieu. « Oh mon Dieu, que puis-je faire? Comment aider ces esprits et ces femmes? Suis-je donc assez puissant et riche en enseignements pour subvenir à leurs réclamations? Pourquoi toutes ces plaintes émises par des êtres qui jadis furent mes semblables en péché, frappés aujourd'hui d'un mal dont j'étais l'investigateur? Ô mon Dieu, j'implore votre clémence, celle qui, j'en suis sûre, me permet de retrouver le sourire de ma mère, une femme devenue grande, merveilleuse, remplie de mansuétude et d'allégresse. Quel bel amour elle me donne aujourd'hui, une prière tiraillée par la peine et la sensation d'impuissance. Ô mon Dieu, je vous supplie de venir m'indiquer la marche à suivre. Permettez à mon guide de me montrer le bon chemin, afin que mes actes aient les bienfaits d'un baume et non la piqûre d'un rameau de rose. » Sur ces mots venus du cœur avec une ferveur insoupçonnée, je vis s'ouvrir au-dessus de moi un large passage sur un tunnel dont je ne percevais pas les limites. Avec une assurance spontanée, je m'y engageais, rapide comme le vent. Je fus immédiatement aspiré par un courant ascensionnel. « Venez vite, mon guide, je monte !»« Excusez-moi toutefois, car je ne voulais pas me soustraire à cette épreuve, mais je crois bien que Dieu m'appelle. Si vous désirez rester ici, communiquez avec ces femmes et aidez-les. Portez mes sympathies à ma mère et dites aux malheureux que je pense à eux, car je vais au paradis. » Mes mots se perdaient au rythme de mon nouveau voyage et peut-être le dernier. Mais très vite, mon ascension se termina et je me retrouvais dans un endroit stupéfiant où existait un va-et-vient incessant. De toutes parts, des esprits vaquaient à de drôles d'occupations, ne percevant pas les choses ou les objets qu'ils devaient tenir, du moins c'est ainsi que j'évaluais les événements. À gauche, à droite, ou assis en longue rangée, ces esprits se déplaçaient d'un bout à l'autre de cette vaste étendue aux limites incertaines. À force de concentration, je devinais quelques formes qui brièvement sortaient de l'invisible. Je voyais de longues tables où étaient posés des engins inconnus, devant lesquels une ribambelle d'esprits agitait leurs mains. Un bourdonnement ininterrompu s'émancipait dans l'atmosphère. « Mais où suis-je encore? Est-ce cela le paradis ?» Du coup, mon guide m'apparut. « Que faites-vous là ? » demandai-je. « Décidément, tout est plus simple pour vous. Ne deviez-vous pas servir une cause ?» Mon guide répondit. « Oui, Daniel, je sers une cause et celle-ci m'amène ici, au centre des communications. C'est un astral encore inconnu de la Terre, d'où certaines révolutions sociales sortiront. Vois-tu, la société humaine existe avant tout ici. La surface de la Terre n'est qu'un terrain d'exploitation. Nous sommes en réalité sur la Terre, mais dans une dimension imperceptible à l'espèce humaine. Nous ne sommes pas bien loin de Marie-Noël et de ses hôtes. Viens, nous allons les voir. Mon guide se dirigea vers l'une de ces tables. Tout en le suivant et au fur et à mesure que je m'en approchais, les détails qui m'entouraient devenaient de plus en plus incertains, puis disparaissaient totalement. Les machines qu'auparavant je distinguais n'existaient plus. « Pourquoi ceci ? » demandai-je. « C'est ton esprit, Daniel, qui s'en écarte. Efforce-toi à les sonder. » Cette salle n'a pas de densité, ni d'adresse. Elle est élaborée par l'esprit technique et l'essence de l'évolution. Les formes prendront l'empreinte de ta sensibilité et de tes connaissances. Soudain, un écran venu de nulle part me montra Marie-Noël, sa fille et le médium. Une foule d'informations sur ces femmes se joignait à la vision. Mais qu'est-ce que cette chose ? Je te l'ai dit, Daniel, nous sommes au croisement des contacts. Là où l'unité existe, c'est ici l'application d'une union incalculable. Tout émane de cette source qui, au-delà des imperfections conceptuelles, n'a aucune forme. Tu es ici pour apprendre à communiquer, touchant à travers ses repères l'être pensant de ton médium. Aie confiance, seule cette dernière t'ouvrira les portes de la vérité. Un jour viendra où ces béquilles visuelles ne te seront plus utiles, tu seras bref et concluant. Communique donc, tout ce que tu penseras ici existera dans l'esprit de tes frères. Je me mis alors à penser à tout ce que je devais dire à ces femmes, tout en étant bref et concis. Mon guide, posant sa main sur mon épaule, me dit « Parfait, Daniel, tu as réussi. » « Vous êtes certain ? J'ai réussi à communiquer avec ces esprits ? Cela paraît incroyable, alors que quand j'étais juste à leur côté, je ne le pouvais pas, ne réussissant pas à leur expliquer clairement la moindre chose. Et voilà qu'à des milliers de kilomètres de là, par une simple réflexion, j'ai pu leur manifester mes émotions à travers un écran ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous m'expliquer ma présence ici et pourquoi j'ai dû me servir de machine pour que des esprits incarnés puissent me comprendre ? Je pensais pourtant qu'entre esprits sensibles, nous pouvions nous percevoir sans artifice. À ceci, mon guide répondit « Mais qui te parle de milliers de kilomètres ? Es-tu réellement certain d'avoir parcouru une telle distance ? D'avoir changé de place ? Ne t'avons-nous pas enseigné que la simplicité était un haut degré de perfection ? L'artifice des formes n'est pondérable que pour l'esprit encore sensible à leurs stimuli. Avons-nous encore besoin d'y revenir ? La forme n'est que le halo lumineux d'une source qui est seule la vraie valeur à comprendre. » De même, les machines que tu distingues ne sont qu'une des multiples extériorisations de la communication. Cette dernière possède une corde sensible qui pourrait être la somme de toutes ces manifestations, mais elle reste en son essence unitaire, n'éprouvant aucune limite si ce n'est dans l'idée de certains penseurs limités. C'est ainsi qu'à travers elle, tu percevais cet endroit mystérieux et les manifestations de son souffle à travers tes propres affinités. Mais en réalité, tu es ici sur terre, au milieu des tiens. À bien y réfléchir, je me trouvais à mon grand étonnement dans la maison de Marie-Noël, dans l'ambiance sombre de la cuisine où toute lumière était coupée. J'étais seule, tout ce petit monde était parti au lit. Décidément, les choses se voulaient surprenantes. Mon guide se tenant derrière moi me dit « Il faut maintenant que tu me suives, mais avant, j'aimerais que tu évalues cette expérience. Qu'as-tu compris ?» Connaissant la finesse de mon guide, je faisais attention de ne pas me laisser aller à la facilité et répondis. Devant le devoir d'échanger une information et dans un but d'aide, j'ai communiqué à travers l'unité fraternelle où mon propre esprit y a découpé une vision virtuelle et facultative. En fait, aucun espace n'était calculable entre les deux aspects de cette action. C'est mon cœur qui a été transporté. Souriant, mon guide me dit « Daniel, tu approches de la vérité. » « Suis-moi maintenant. » Puis nous sortîmes de l'appartement en traversant l'un des murs. Sans transition, nous nous retrouvâmes dans un autre endroit, ce qui pour moi annonçait une nouvelle leçon. Nous étions dans un hôpital, je le savais par intuition, mais, très vite, les infirmiers s'y trouvant et déambulant dans les couloirs confirmèrent mon sentiment. Passer d'un endroit à un autre spontanément commençait à m'amuser. Ainsi, nous nous arrêtions dans une grande pièce rectangulaire entièrement recouverte d'une sorte de porcelaine blanche. Devant mon air interrogateur, mon guide me dit « Nous sommes ici dans une morgue. Tu vas rencontrer la souffrance et l'endurcissement. » Au même moment, deux hommes vêtus de blanc entrèrent dans la pièce. L'un d'eux s'avança vers l'un des murs pour en tirer une sorte de tiroir assez long. À l'intérieur se trouvait le corps du mari de Marie-Noël. Je m'approchai et fus horrifié. Je percevais, sur la surface livide de ce cadavre, onduler le fluide de cet esprit englué dans la matière. Se superposant aux paupières fermées et enfoncées, je voyais son regard affolé. Le deuxième infirmier approchait de ce tiroir une sorte de brancard monté sur roulette. Le matelas blanc était recouvert d'une fine pellicule bleutée et brillante. Les deux hommes prirent le corps, l'un par la tête, l'autre par les pieds, le plaçant sur le brancard brutalement. L'affolement me prit, tournant autour d'eux comme une abeille autour du pot de miel. J'étais davantage horrifiée par l'attitude de ces hommes, malmenant ce malheureux, que par cette mort en elle-même. Ils étaient brutaux, irrespectueux et même inconscients. Bien entendu, ils n'évaluaient pas les choses comme moi, ne percevant pas la profondeur de ce moment, mais le respect le plus simple aurait dû les faire agir autrement. Je les regardais manipuler sans vergogne cet homme comme un vulgaire quartier de viande. Le pauvre esprit, je voyais son visage crispé par tant d'efforts, essayant désespérément de sortir sa tête de ce corps rigide pour voir ses agresseurs. Ses yeux roulaient, brillant d'angoisse. Son regard exprimait la peur, je pense qu'il aurait voulu crier. Mais comme soudé dans ce corps, il subissait les gestes mécaniques de ses infirmiers. Sa mort ne lui aura même pas épargné cela. Ces hommes exécutaient leur travail en commentant une actualité qui leur était propre. Les frémissements de l'esprit s'amplifiaient à chaque fois que les infirmiers introduisaient une matière blanche, que je ne percevais pas bien, dans les orifices de son enveloppe charnelle. Mes visions étaient troubles, mais je les voyais également coudre grossièrement cette peau flasque et molle avec une sorte de cordelette bleue. Lui tenant la tête sèchement, ils l'entourèrent avec une bande blanche. Les yeux de l'esprit étaient toujours grands ouverts, scrutant le plafond sans réaction. Mais soudain, j'entendis ces gémissements sourds et faibles, comme un forcené que l'on aurait bâillonné. Ce spectacle m'indisposait. Mon guide, quant à lui, restait immobile, mais ses yeux exprimaient la peine. La scène devint confuse, je perçus d'autres individus qui habillaient la dépouille et lui enfilaient des chaussures avec force. Ils maquillèrent le visage avec une sorte de pâte. « Mais que dois-je apprendre ici ? M'exclamai-je. « Je ne vois que d'horribles choses !» Mon guide répondit. « Daniel, n'as-tu donc jamais vu de mort ?» Sa question m'interrogeait. « Pouvait-il ici faire de l'humour ? Je ne pouvais le concevoir. « Ne te méprends pas sur mes mots. Je perçois dans tes souvenirs antérieurs une autre circonstance analogue à celle-ci où tu étais témoin d'une telle toilette. Une différence est à faire. » Aujourd'hui, tu perçois les deux aspects de l'existence et dès lors les résultats de l'aveuglement humain. Sache-le pour règle générale, Daniel. La méconnaissance de la spiritualité est la cause de tous les malheurs des esprits enfermés dans le temps et l'espace. Les hommes étaient partis et j'essayais de les retrouver. J'éprouvais quelques difficultés à me stabiliser. Les visions m'apparaissaient par moments, se chevauchant les unes aux autres. Je vis des hommes portant la casquette introduire le corps dans un cercueil et entendis les suppliques de l'esprit, conscient de ce qui se produisait. Bien que je sache qu'il soit préférable de mettre les corps en terre, je trouve cet aspect post-mortem intolérable. Ces hommes vont enterrer un vivant. Pourquoi tout ceci, mon guide ? Mes repères se troublent. Mon guide répondit. Daniel, cet homme est pour la majorité des vivants fin mort. N'oublie pas, ce que tu vois n'existe pas pour l'incarné, et en ces heures de douleur, la question des esprits reste facultative. Le doute obscurcit l'âme. Même parmi les élites, le cœur se voit envahi par l'amertume quand la blessure de la séparation et l'inconnu viennent frapper à notre porte. Daniel, tes visions doivent te permettre de comprendre l'imperfection des principes de la société terrienne, élaborée loin de ceux des systèmes spirituels. Mais cette société, au contraire d'emmener l'homme à la perdition, comme beaucoup de prédicateurs mal inspirés aiment à proclamer, ne fera que ralentir son élévation. Je dis ralentir, mais pour l'absolu, il n'existe pas de retard. Tout est dit dans une optique bien arrêtée. Mon guide était sévère dans ses propos, et je ressentais bien là toute sa réserve. De me pencher à nouveau sur le mari de Marie-Noël suffisait à me transporter spontanément dans une salle austère, éclairée par plusieurs lumières ronflantes. Les murs étaient dépouillés de toute suspension, un long tapis gris traversait la pièce dans le sens de la longueur. De part et d'autre, quelques rangées de petits bancs étaient installés où siégeaient une dizaine de personnes. En face, sur un présentoir, se trouvait le cercueil d'où je pouvais entendre les lamentations du malheureux. Quelle situation ! Comment cet esprit pouvait-il rester ainsi attaché à sa dépouille devenue inutile et s'amouracher ainsi d'un vieil outil ? Mon guide réagit aussitôt. « Oublies-tu, Daniel, le temps qu'il t'aura fallu pour seulement entendre ma voix ? Remercie la divinité et sois indulgent, car tu n'as pas vécu cette épreuve, mais, que je sache, tu es également mort et enterré. » Ce rappel à l'ordre m'obligeait à être plus attentif. Je m'approchai donc du cercueil et regardai avec émotion les yeux spirituels de l'entité. Je pense qu'elle me percevait. J'essayai de lui parler, de la réconforter. De son regard s'échappait une supplique insoutenable. Elle était là, engoncée dans un tissu soyeux blanc, percé d'un trou froncé par un ruban bleu d'où sortait son visage. Cet homme était ainsi à la limite du ridicule. Ses yeux de chair n'étaient plus, mais de son regard spirituel, il accompagnait la cérémonie funèbre des dernières salutations. « Qu'attendons-nous pour partir ? » demandai-je à mon guide. J'étais inquiet, sachant qu'une chose difficile allait se produire. « Allons-nous-en maintenant ! » réclamai-je. « Que ressens-tu ? » demanda mon guide. « Quel est ce saut d'humeur ?» Tout à coup, je vis les hommes en noir refermer l'avant du cercueil. Ils vissaient les boulons avec un petit outil, ce qui émettait dans le silence de la pièce un léger couinement. L'hermétisme du cercueil ne masquait pas, ni ne feutrait les cris égarés de l'esprit qui ressemblaient là à des hurlements de femmes. Je percevais même sortir de part et d'autre du cercueil les ondulations du corps spirituel secoué par la panique. Quatre hommes prirent le cercueil et le placèrent sur une sorte de plateau matérialisé par une succession de rouleaux d'acier. Les cris du malheureux s'amplifièrent. Ses mains spirituelles transformées en griffes et sorties du cercueil cherchaient à saisir quelque chose. C'était horrible. « Mais que fait-il ? » Mon guide s'approcha de moi, me tenant l'épaule comme pour m'apaiser. Ensuite, une large porte qui se trouvait devant le cercueil s'ouvrit. De grandes flammes sortirent aussitôt de l'orifice ainsi découvert, venant lécher le bord du cercueil. Le brancard mécanique se mit en branle et amena doucement le trépassé dans le gouffre du diable. « Malheur, mais ils vont le brûler ! Il faut le secourir ! Écoutez tous !» Une dizaine d'esprits apparurent et se jetèrent dans la fournaise. Les cris du malheureux furent alors confondus dans un chant, une sorte de cantique qui s'élevait dans la spiritualité. Fébrile, je regardais mon guide. La grosse porte finit par se refermer derrière le cercueil. Je n'entendis alors plus de cris ni de plaintes. Ce malheureux sortit de cet enfer souffreteux, épaulé par d'autres esprits qui l'emmenaient vers son amélioration. Dieu avait-il eu pitié de lui ? Les lumières de la salle s'éteignirent, l'on pouvait voir encore la vive couleur du feu à travers une petite ouverture dans la porte, un foyer incandescent, accompagné par une douce musique qui sortait d'une grille à même le mur. « C'est un haut-parleur phonique, » dit mon guide. Nous nous transportâmes alors dans un cimetière, un passage faisant suite à cette pénible histoire et une fin encore inévitable dans les vibrations terriennes. Nous étions là, au milieu d'une allée entrecroisée de dizaines d'autres, matérialisées par des pierres tombales toutes plus belles les unes que les autres, d'où s'échappaient les éclats blancs des objets de cuivre placés au-dessus. Les fleurs et leurs couleurs chatoyantes apportaient à cet ensemble une touche décorative admirable. Le ciel me paraissait bleu, accompagné d'un beau soleil. L'enterrement que je cherchais, celui de notre homme, était déjà fini depuis longtemps. Je compris en m'avançant sur sa petite et pauvre tombe que le temps m'était devenu aléatoire. Mon guide flottait dans l'espace, décrivant ainsi de petits mouvements saccadés à l'exemple d'un oiseau-mouche. En sustentation, il me dit « Vois-tu, Daniel, la mort vécue par l'homme a quelque chose de pathétique. La putréfaction du corps de chair oblige l'incarné à enterrer les dépouilles, enfouissant du même coup sous la terre ses vraies responsabilités et obligations. » Ainsi, le souvenir « des morts » entre guillemets n'est plus qu'une question de principe et d'administration où l'esprit n'est pas considéré. Le cimetière devient un lieu de vente, de commerce et de vanité où la pensée se mesure à la valeur des agréments funéraires. L'homme doit s'ouvrir à la vérité et, je te le dis, les futurs changements des principes funèbres seront un signe non négligeable de son élévation. Ces endroits se transformeront et les trépassés seront rendus à la vie, la terre à la construction. Viens, il faut que tu comprennes l'équivalence des extrémités relatives de l'existence matérielle. Tu as connu la mort, il est souhaitable que tu vives maintenant la naissance. Ne vois pas ici un soulagement, car les deux aspects transitoires se valent en souffrance et en joie.